Elle me faut de plus de fer, comme de sphère qui reflète la lumière. La première fait de l'ombre, la seconde qui est derrière. La sphère roule bien plus haut, et tu ne t'en caches pas, non, dans tes propos. Quand tu dis t'adresser à la France d'en bas, la masse populaire que t'apprécies quand elle parle bas, à laquelle tu diffuses à ton gré quelques infos. Des marionnettes pour s'amuser, n'offre pas en savant trop, soucieux des mondanités et de tout le tralala. T'es bien loin de ce pour qui la vie est un combat. Mais dis-moi comment est la France d'en haut. Le soleil brille-t-il différemment? Est-il plus beau? Mais dis-moi comment est le soleil d'en haut? Est-il plus chaud? Comme deux sphères de fer, nos deux mondes sont similaires. Mais pour vivre dans ta sphère, il me faudrait plus de fer. Comme deux sphères de fer qui reflètent sur la lumière. La première fait de l'ombre, la seconde qui est derrière. Les sphères sont en mouvement, elles se tournent autour. Chacun se scrute de part et d'autre, du haut de sa tour. Ceux d'en bas détournés bénéficient pas des mêmes commodités que leurs voisins les rois. Après réflexion, voici mon observation. Toutes ces zones réservées sont comme une ségrégation, où l'homme supérieur est celui qui a le plus de fric. L'autre doit survivre avec son seul smic. Nous ne subissons aucune dictature, Dieu merci. Mais nos démocraties cachent leur aristocratie. Nos démocraties cachent leur aristocratie. Comme deux sphères de fer, nos deux mondes sont similaires. Mais pour vivre dans ta sphère, il me faut de plus de fer. Comme deux sphères de fer qui reflètent la lumière. La première fait de l'ombre, la seconde qui est derrière. À force de se tourner autour, les sphères finissent par se choquer. C'est brutal et bref car elles ne peuvent rester collées. C'est lors de ces chocs apparaît un trait de lumière où on apprend qu'un assassin n'en pas un gangster fait avec certains d'en haut. Quelques affaires peu éclaircies afin de maintenir comme d'hab le mystère. Messieurs des ministères ou de l'Élysée bénéficient de lois aménagées ou ne sont pas jugés. Et après on s'étonne quand un homme dans la foule sort sa carabine et s'en prend au noyau de la boule. Et après on s'étonne quand un homme perd la boule. Comme deux sphères de fer, nos deux mondes sont similaires. Mais pour vivre dans ta sphère, il me faudrait plus de fer. Comme deux sphères de fer qui reflètent la lumière. La première fait de l'ombre, la seconde qui est derrière. Comme deux sphères de fer, nos deux mondes sont similaires. Mais pour vivre dans ta sphère, il me faudrait plus de fer. Comme deux sphères de fer qui reflètent la lumière. La première.